Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour de l'école de Francfort, aujourd'hui deuxième temps, Adorno et Benjamin en guerre contre la Kulturindustrie. Comment l'industrie culturelle modifie-t-elle la relation que nous entretenons avec nos œuvres d'art préférées? Quelle différence entre le fait de contempler l'homme de Vitruve de Léonard, dont il n'existe qu'un seul exemplaire au monde, et de regarder le dernier épisode de Game of Thrones simultanément avec plusieurs millions de personnes? Quel est le problème pour Théodore Adorno et Walter Benjamin quand près de 172 000 personnes se retrouvent pour assister ensemble, en masse, au concert de leur chanteur préféré? Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, now you leave me. Bonjour Julia Christ. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Est-ce que vous êtes fan de Freddie Mercury? Un peu, oui. En tout cas, vous êtes philosophe et chargé de recherche au CNRS dans le laboratoire interdisciplinaire d'études sur la réflexivité à l'EHESS et spécialiste, entre autres, de la question de l'industrie culturelle, la Kulturindustrie, dans l'école de Francfort. C'est le sujet de cette semaine, à l'école de Francfort. Et on va essayer de définir ensemble ce que c'est que cette industrie culturelle. Est-ce que le concert de Freddie Mercury en 1986 au stade Wembley devant 172 000 personnes, qui est une des dernières apparitions en public de Freddie Mercury, et on l'entend, la foule entière reprend ses paroles et chante à sa place, est un bon exemple de ce qu'on peut appeler l'industrie culturelle, dans la mesure où il y a une espèce de communion publique autour d'un seul chanteur? Difficile. Premièrement, c'est trop tard, c'est les années 80, alors que la théorie critique, quand elle développe sa théorie de l'industrie culturelle, c'est quand même les années 30 ou 40. Oui, mais c'est valide après quand même, non? Ah, il faut voir. Ah oui? Il faut voir. Et deuxièmement, il chante en live. Et ça, c'est une différence. Je pense qu'au moins pour Adorno, ça considérait une vraie différence si c'est la musique enregistrée ou si c'est la musique en live. Donc, il faudrait voir peut-être à la fin de l'émission si on peut, oui ou non, traiter ça de l'industrie culturelle. Bon, très bien. Vous venez de donner une direction inattendue à cette émission. Vous répondrez donc à la 50e minute à la question que je vous pose. Comment est-ce qu'on définit l'industrie culturelle pour ces deux penseurs que sont Adorno et Benjamin? Bon, là, il faudrait revenir d'abord sur les termes. Je pense que l'industrie culturelle, il y a souvent eu une confusion sur les termes parce qu'on a souvent pensé que c'est une critique de la culture de masse. Donc là, il faudrait peut-être juste distinguer entre quatre termes avant d'entrer dans la discussion. L'œuvre d'art, ou ce qu'ils appellent la culture bourgeoise. L'industrie culturelle qui va être l'adversaire. La culture populaire qui est encore autre chose, donc qui n'est pas du tout d'ailleurs traitée dans ces textes ou juste à la marge. Et après, la culture prolétarienne, ou ce qui, à l'époque, dans les années 20, émerge sous forme d'agitprop, ou ce que Brecht essaie de faire. Donc, la culture prolétarienne, elle est très peu traitée par Adorno et Benjamin. Donc, l'espoir que la culture prolétarienne pourrait créer un sujet révolutionnaire n'est pas vraiment prise en considération. La culture populaire, elle est un peu traitée sous forme de perte de tradition, où en effet les auteurs disent que la culture populaire était encore quelque chose qui s'opposait à la logique capitaliste, à la rationalité bourgeoise, mais qu'elle est justement récupérée maintenant par la culture industrielle, donc par une culture qui est produite industriellement. Donc qu'il y a une industrie qui produit de la culture. Et évidemment ça change tout pour ces auteurs, parce que d'un coup l'œuvre n'est plus du tout le produit d'un individu créateur, comme l'œuvre d'art, ni l'expression, pour ainsi dire, du peuple qui créerait quelque chose, mais c'est une standardisation de l'œuvre, c'est une industrie, c'est comme les voitures, c'est une rationalisation des processus de production et surtout, le produit ne sert plus à rien d'autre qu'à générer du profit. Donc c'est ça l'idée principale. En effet, qu'est-ce que c'est que l'industrie culturelle? C'est une industrie qui produit des œuvres culturelles, en tout cas dites culturelles, à des fins de génération de profit. Dans quelle mesure est-ce que cette réflexion s'insère dans le projet plus large de l'école de Francfort qu'on a présenté hier, hein, pour le premier temps de cette série sur l'école de Francfort, à savoir la mise au point de ce qu'ils appellent, enfin de ce qu'Horkheimer appelle notamment la théorie critique, qui a pour but de redéfinir le rôle de la philosophie notamment et de la recherche, avec un lien assez conflictuel avec le marxisme. La réflexion autour des objets culturels et l'industrie culturelle, comment s'insère-t-elle dans ce projet-là plus large? Bah, premièrement, ça s'insère dans une, si vous voulez, une opposition au marxisme, en tout cas un développement du marxisme au sens où le marxisme, en tout cas jusqu'à Bernstein à peu près, donc jusqu'au révisionnisme, s'intéressait relativement peu ou pas du tout à la superstructure. La thèse centrale du marxisme étant quand même que la révolution ou la production d'un sujet révolutionnaire se jouerait entièrement dans l'économie, dans la sphère économique. Donc, à un moment donné, les forces productrices ou productives vont entrer en contradiction avec les rapports de production et la révolution éclatera à ce moment-là. Dans les années 1900-1910, on commence à se rendre compte que ça se passe pas comme ça et qu'il faudrait peut-être prendre en considération ce que le marxisme appelle la superstructure, donc tout ce qui relève de l'idéologie et de la culture. Donc, que la formation du sujet révolutionnaire dépend aussi de sa formation culturelle, pour ainsi dire. Donc, à ce moment-là, il y a un intérêt pour la culture dans le marxisme qui n'est pas exclusive à la théorie critique. Lukács est le premier qui s'intéresse intensément à ces sujets. Donc, à ce titre-là, la théorie critique, elle poursuit à un certain niveau, un projet peut-être hétérodoxe, mais relié au marxisme, en s'intéressant à des outils de production de la classe révolutionnaire qui, maintenant, inclut également la culture. On parle d'Adorno et de Benjamin ce matin. Pourtant, elles ont deux approches qui sont différentes et qu'on va essayer de présenter, justement. Et ça nous permet de dire que ce qu'on appelle l'école de Francfort, qui, je le rappelle, est une appellation tardive, dans les années 50, ne représente pas une sorte d'homogénéité de pensée ni de thèse. En fait, c'est un groupe qui est pluriel, y compris dans les thèses qui sont défendues, et dont certains membres sont plus éclectiques que d'autres. Et Benjamin, notamment, a un rapport parfois distant à ce qu'on appelle l'école de Francfort. Tout à fait. Je pense même que Benjamin, il ne pourrait pas du tout prendre à son compte le concept d'industrie culturelle. C'est un concept formé par Adorno et Horkheimer dans la dialectique La raison. Il émerge à ce moment-là. Benjamin, il était plus enthousiaste à un certain niveau concernant les révolutions techniques dans la sphère de la culture. Donc c'est lui qui était assigné, de même d'ailleurs qu'Adorno, dans la collaboration au sein de l'Institut de recherche sociale qui est à l'origine était le noyau fondateur de l'école de Francfort, qui était assigné à la culture, lui à la littérature. Adorno était assigné à la musique, de fait, et Krakauer au cinéma. Donc il y avait quand même déjà une division de travail. Assigné par qui, Horkheimer? Par Horkheimer, oui. C'est lui qui décidait de quel sujet chacun allait s'occuper. Oui, il était assez... pas très libéral. Non, pas très libéral en l'occurrence. Donc, c'était déjà pas les mêmes objets. Et Benjamin, de toute façon, est un électron libre qui tournait autour de l'Institut. Il n'était pas entièrement rattaché à l'Institut. Il se bataillait beaucoup pour travailler pour la revue. Et c'était un penseur extrêmement autonome, ce que d'ailleurs Adorno et Horkheimer ont reconnu et toujours soutenu. Donc c'était pas du tout une question de le mettre en ligne, de le mettre sur la bonne ligne ou de le faire défendre la doctrine de l'école de Francfort, la théorie critique qui à l'époque n'existait pas du tout. Donc les deux, mettons d'abord peut-être en valeur ce qu'est les deux partagent. Les deux partagent le fait qu'ils savent que l'œuvre d'art bourgeois n'est pas autonome au sens où ce serait pas une marchandise. Je pense un point qu'il faut évoquer d'emblée, que pour les deux, il est parfaitement clair que l'autonomie de l'art bourgeois dépend du marché capitaliste. Je m'explique. L'art, il est devenu autonome à partir du moment où il servait plus l'église ou les rois ou le régime féodal. Et ça n'était possible qu'à partir du moment où il y a un marché de l'art. Donc pour les deux, il est clair que la fameuse finalité sans fin de l'œuvre d'art moderne déterminée ou définie par Kant n'était pas du tout une finalité sans fin indépendante du marché. Donc le problème pour les deux n'était pas que maintenant avec l'industrie culturelle ou la culture de masse, que d'un coup les œuvres sont devenues des marchandises. Je précise juste que la finalité sans fin est une expression mise au point par Kant dans la critique de la faculté de juger pour qualifier le rôle, où justement le terme n'est pas approprié, de l'art, c'est-à-dire qu'on se dit en regardant une œuvre d'art qu'il y a une fonction, mais on n'arrive pas à la définir. Et c'est pas laquelle. Voilà, on ne peut pas assigner un concept. Il n'y a pas de concept du beau, ni on peut pas assigner un but défini dans la production artistique. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a un sens, qu'elle est là pour quelque chose. Et cette réflexion de Kant dans la troisième critique a ouvert tout un courant esthétique à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, et pour les deux, en effet, c'est très important de se souvenir de ce fait. L'œuvre d'art moderne, les grandes œuvres, de fait, ne sont pas indépendants du marché. Ce sont des marchandises, de fait. Et ce sont des marchandises. C'est un constat. C'est un constat. Elles ne sont jamais coupées de toute forme de voilà. Contingence matérielle. Tout à fait. Le fait qu'ils ne servent plus le pouvoir ecclésial ou terrestre légitime, ça, c'est une émancipation de l'art par rapport, en effet, à ces finalités qui ont été imputées ou infiltrées dans l'art par ces circonstances anciennes. Mais ça fait que l'art doit faire ses preuves sur le marché. Donc, ça c'est d'ailleurs, vous voyez ça très bien, quand vous voyez quelqu'un comme Balzac qui jour et nuit essaye de se battre pour vendre finalement ses œuvres, pour les mettre dans le feuilleton, etc. L'artiste du 19e siècle n'est pas du tout libre au sens où il peut faire ce qu'il veut. Il faut quand même qu'il vende ses œuvres d'art. Donc ça, je pense, c'est un premier point qu'il faut retenir, que l'opposition n'est pas que d'un côté, on aurait les puristes qui regrette l'œuvre d'art bourgeois qui serait autonome et libre. De l'autre côté, on aurait la culture de masse qui se vend sur le marché. Les deux se vendent sur le marché. Ça c'est pas la différence. Donc, sur ce point, les deux sont d'accord. Ils sont d'accord sur un deuxième point qui est que la culture de l'industrie culturelle ou la culture de masse se distingue pourtant de l'œuvre d'art à l'ancienne du fait qu'il n'existe plus que pour le marché. Dans la mesure où il est produit industriellement, l'œuvre d'art, l'œuvre culturelle, devient une marchandise à part entière. Donc il n'y a plus dans l'œuvre une tension entre sa vocation artistique et sa vocation à être une marchandise. Désormais, cette tension, elle est parfaitement résolue dans la vocation à être une marchandise. Donc sur ce point-là, ils sont d'accord. Ils ne sont pas d'accord sur les effets de l'œuvre d'art ou de l'industrie culturelle, de la culture de masse. Pour Adorno, ces effets sont plutôt néfastes. Ils sont néfastes parce qu'ils considèrent que l'exposition d'une frange de la population, et c'est pour ça que j'ai fait tout à l'heure la remarque les années 80 et les années 30. Il faut quand même se remettre, je pense, un peu en tête la situation. On parle en termes de bourgeoisie, de prolétariat. Dans les années 30, ça fait sens, de fait. Donc, mais ça signifie aussi quand on parle de prolétariat, qu'on parle d'une frange de la population majoritaire, d'ailleurs, qui n'a pas accès à la culture bourgeoise. Donc, qui n'est pas formée, de fait. Qui n'est pas éduquée, tout simplement. Qui n'est pas éduquée pour, Adorno dirait, pour écouter, pour lire, pour consommer, entre guillemets, pour recevoir les œuvres culturelles. Lui, il constate que cette tâche d'éducation a été ratée. L'école n'a pas fait son travail, de fait, et l'acculturation des masses à la société bourgeoise passe par l'industrie culturelle. Donc pour lui, ça, au fond, son problème est que les formations de subjectivité dans la société des années 20, 30, 40 passent d'emblée par l'industrie culturelle, donc par un système capitaliste. Pour Benjamin, il voit le même problème, de fait, mais il pense que cette exposition, pour ainsi dire, à nu, ces marchandises culturelles, ont un potentiel révolutionnaire. Donc que les masses sont, pour ainsi dire, happées, détruites. Au fond, il faut le dire comme ça, je suis désolée, c'est un peu compliqué. Mais ils sont que les masses, quand ils consomment, quand ils sont exposés aux œuvres culturelles, qui sont mises dans la même situation qu'au travail. C'est ça la grande théorie de Benjamin, que l'œuvre de l'industrie culturelle ou l'œuvre de culture de masse a le même fonctionnement que le processus de travail. Que dans les deux cas, le sujet qui est exposé à, soit au processus de travail, soit à la consommation d'une œuvre culturelle, est mis dans une situation où il peut plus vivre la continuité du processus. Donc c'est la fameuse théorie du choc chez Benjamin, où en effet le choc de la machine où on fait toujours le même coup de main et le choc qu'on reçoit au cinéma où en effet on est face à des images hein, déconnectées aurait exactement le même effet sur le sujet et détruit finalement sa subjectivité bourgeoise, pour ainsi dire, ce qui en reste. I'll take care of the rest. Okay, Mickey. L'existence de Mickey est pleine de prodiges qui non seulement dépassent la technique, mais tournent ceux-ci en dérision. Car ce qu'ils offrent de plus remarquable, c'est qu'ils ne mettent en jeu aucune machinerie, qu'ils surgissent à l'improviste du corps de Mickey, de ses partisans et de ses persécuteurs, des meubles les plus quotidiens aussi bien que des arbres, des nuages ou des flots. La nature et la technique, le primitivisme et le confort se confondent ici parfaitement. Et sous les yeux de gens fatigués par les complications sans fin de la vie quotidienne, de gens pour qui le but de la vie n'apparaît plus que comme l'ultime point de fuite dans une perspective infinie de moyens, surgit l'image libératrice d'une existence qui, en toutes circonstances, se suffit à elle-même de la façon la plus simple et en même temps la plus confortable. Une existence dans laquelle une automobile ne pèse pas plus lourd qu'un chapeau de paille et où le fruit sur l'arbre s'arrondit aussi vite que la nacelle d'un ballon. Et oui, vous écoutez Mickey Mouse sur France Culture, les chemins de la philosophie, Plain Crazy. C'est le titre de ce dessin animé qui date de 1928 et dans lequel on voit Mickey tabasser Minnie, on peut le dire comme ça, Julia Christ. En tout cas, c'est d'une violence inouïe. Et figurez-vous que le texte que j'ai lu est de Walter Benjamin, qui dans Expérience et pauvreté, mais on retrouve aussi hein, dans le texte La dialectique de la raison d'Horkheimer et Adorno, ces trois auteurs fournissent des réflexions passionnantes sur le dessin animé, sur Walt Disney et sur la manière qu'ont ces dessins animés de relayer, refléter la violence inhérente à la société. Oui, ça, vous touchez en effet au point de discorde entre Adorno et Benjamin. Là où Benjamin voit dans cette violence une capacité émancipatrice, en effet, pour le sujet qui la consomme, parce qu'il se dit, à un moment donné, l'individu en masse, d'ailleurs, va comprendre, pas à cause de cette violence, c'est pas le contenu, d'ailleurs, qui a ces effets-là. Hein. C'est pas qu'il tape Minnie qui est important pour Benjamin, c'est la vitesse finalement de l'action, c'est les moyens techniques mis en place pour produire ce dessin. Oui, la conscience féministe n'était pas assez avancée. Non, pas du tout. Non, c'était pas. Quoique, ils étaient assez féministes sur. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'école de Francfort quand même. Je dis pas beaucoup, c'est un euphémisme. C'est un des sujets, on ne dit pas de commentaires, non? Non, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, c'est pas le contenu de l'œuvre d'art qui les intéresse. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ne s'intéressent pas à la guide propre ou à la culture prolétarienne telle qu'elle est mise en scène ou essaie d'être élaborée par le Parti communiste. Parce que justement, le contenu n'est pas leur problème, c'est la forme. Donc c'est le fait qu'il y en a des séquences très rapides qui se suivent, que c'est le moyen technique qui sont mis en place. C'est le fait, comme dit Benjamin, que la réalité est découpée autrement qu'on l'aperçoit normalement. Lui, il mise là-dessus en se disant, je pense, deux choses. Hein. La première n'étant pas vraiment très soulignée dans ses textes, c'est le fait de la destruction de la perception courante pourrait peut-être produire une autre perspective sur le monde. Donc ça, je pense... Donc le cinéma. Donc le cinéma, en effet. Le cinéma, Mickey, tout cela pourrait produire cette autre perception de la réalité qui, pourquoi pas, serait une perception, une perspective révolutionnaire. On ne peut pas préjuger de ce qui va se passer au moment où la perception normale du monde s'effondre. L'autre idée qui est bien plus débattue, ou en tout cas au sein de la théorie critique, est que cette violence, à un moment donné, la violence de l'expérience visuelle, produit un effondrement des catégories, des perceptions, des schèmes de perception du sujet, catégories qui sont quand même idéologiques. C'est-à-dire pour eux, on vit dans une société bourgeoise où même le prolétaire perçoit quand même le monde en fonction de l'idéologie dominante, tout simplement. Donc des idéaux, liberté, d'égalité, il va transfigurer lui aussi le monde en fonction de cela. Donc effondrement de la subjectivité à cause des chocs reçus qui, à un moment donné, vont faire en sorte que les individus perçoivent le monde tel qu'il est, dans sa brutalité, dans sa violence, surtout dans le fait qu'il est parfaitement insensé. Que le monde du capitalisme des années 20, 30, 40 n'est rien d'autre qu'un assemblage d'événements singuliers, déconnectés, sans aucun sens, ni queue ni tête, et qu'à ce moment-là, le sujet, l'individu qui s'en rend compte, peut en effet basculer dans un sujet révolutionnaire au sens où il voudrait que ce monde ait un sens. Si disons ça comme ça, ait un sens et une finalité. Et ne soit pas si dépourvu de fin qu'il est dans ses productions, telles que ses productions culturelles le mettent en scène. D'autant que la question de la fin se pose dans ce contexte d'une manière assez différente que le contexte actuel, quoique, mais quand même, puisque lorsqu'on parle de culture de masse à l'époque, dans les années 30, il faut quand même voir que le cinéma, entre autres, mais aussi d'autres productions artistiques, sont ressaisies, sont récupérées dans une sorte de propagande fasciste, qui est peut-être l'ambivalence de la culture de masse. D'un côté, il y a la récupération par la propagande fasciste, de l'autre, il y a, comme le point de Benjamin, la possibilité d'une démocratisation du plaisir esthétique qui peut changer la perception que l'on porte sur le monde. C'est le point d'Adorno. Adorno, il a très très peur de ce qui se passe. Pour lui, le rire, il le dit dans une lettre à Benjamin d'ailleurs, le rire des masses face à Mickey qui tabasse Minnie, c'est pas du tout un rire libérateur, c'est un rire déjà fasciste. C'est le plaisir pris dans la violence, dans la destruction de l'autre. Donc lui, il est très circonspect à l'égard en effet des masses et beaucoup plus marxiste, je pense, sur ce terrain-là, tout simplement parce que pour lui, l'expérience que la classe dite révolutionnaire, donc le prolétariat, dans les années 30 et dans les années 20 en Italie et dans les années 30 en Allemagne, massivement devient fasciste. Donc que la classe devient de la masse, en effet, est une expérience suffisamment traumatisante pour qu'au fond, jusqu'à la fin de sa vie, il fasse plus jamais confiance aux masses. Donc ça, c'est en effet, c'est la rupture à ce niveau-là, d'ailleurs souvent décriée de la théorie critique avec les masses populaires. Concernant le fascisme, en effet, c'était le grand problème de la théorie critique, mais aussi du marxisme ou du communisme, peut-être en général à cette époque, de voir que le fascisme a réussi à esthétiser la politique. C'est moins une politisation de l'esthétique qu'une esthétisation de la politique. On le voit avec les grands défilés fascistes et puis nazis. Donc l'esthétique, elle est mise au service de la production d'un sujet de masse soumis. Donc eux, leur contre-proposition et leur recherche, c'était en effet plutôt une politisation de l'esthétique. En tout cas pour Benjamin, c'était ça. D'essayer de faire ou de voir dans l'esthétique un opérateur de subjectivation politique. C'était ça son idée, de produire en effet un sujet de l'émancipation à travers la culture. Mais en effet, ils ont bien vu, et Adorno plus que Benjamin, en tout cas Adorno était très strict sur ce point, que la démocratisation, si on veut bien de la culture, n'a pas pour effet la production d'un sujet collectif qui souhaite ou lutte ou se bat pour l'émancipation. Mais d'autant que c'est le terme de culture ici qui est un peu remis en question, parce que quand on parle aujourd'hui de culture, on a un ministère de la culture, nous sommes sur France Culture, la culture renvoie à un horizon qui serait déjà déterminé, clos et sans doute idéalement accessible à tous, mais qui en fait relève une forme d'institutionnalisation et une hiérarchie implicite. Quand on parle ici d'industrie culturelle et quand vous présentez ce qu'Adorno appellerait de ses vœux au sein de la culture, c'est déjà presque un paradoxe en soi en fait. Il n'y a pas très difficile de faire une part à l'individualité au sein de la culture. Ça dépend parce que, en tout cas pour Adorno, et je pense que France Culture et le ministère de la Culture seraient d'accord sur ce point, la culture dans sa version, en effet, bourgeoise, hein, il faut le dire comme ça, mais à laquelle nous sommes encore inféodés, à une vocation de formation. À une vocation de formation des subjectivités, de formation à l'autonomie. En tout cas, pour Adorno, ça, c'est très clair que la culture telle que la bourgeoisie l'a imaginée est, pour ainsi dire, le refuge de ces idéaux révolutionnaires. Mmh. Pour le dire très bêtement, hein, je veux dire, les idéaux révolutionnaires qui n'ont pas été réalisés dans la société bourgeoise du XIXe siècle, qui n'est pas une société liberté, égalité, de fraternité, ont été réalisés dans la sphère de la culture, et qui est la sphère qui forme les subjectivités, qui forme les subjectivités bourgeoises. Le problème, au fond, à un certain niveau, le problème n'est pas du tout la subjectivité bourgeoise, en l'occurrence, ça c'est la subjectivité qui refoule le fait que ces idéaux ne sont pas réalisés et qui se contentent de les réaliser dans la culture. Le problème est l'entrée en masse d'une classe qui n'a pas été formée dans le système d'éducation, de culture, de la bourgeoisie. Et comme si les prolétaires n'étaient pas prêts à regarder un film, c'est ça ? Un film, oui, peut-être. Ouais. Mais si vous regardez de près, la moitié de cette critique de l'industrie culturelle ne porte pas sur les films, hein. Ne porte pas du tout sur les productions culturelles comme Mickey. C'est ce qu'on retient. Elle porte quand même beaucoup sur la récupération de la tradition du canon, de fait, dans l'industrie culturelle. Donc sur le fait que l'industrie culturelle arrache des morceaux à la tradition, au canon bourgeois, et les injecte, ou les reproduit, de fait, les injecte sous une autre forme, dans des médias à travers lesquels ils sont accessibles à tout le monde. Dont acte. Alors je vous propose qu'on écoute la voix d'Adorno qui définit ce qu'est l'industrie culturelle et pourquoi, avec Horkheimer, ils ont choisi cette expression et non pas culture de masse. Et ensuite, un texte d'Adorno, dans lequel il va parler des marchandises culturelles avec ce terme de fétichisation et qui va prendre des exemples très concrets de la manière qu'ont, par exemple, une symphonie de Beethoven d'être ressaisie dans les médias et dans la publicité et qui vient ainsi donner, apporter à tous, bien des choses qui jusque-là n'étaient pas à la portée de tout le monde. Il semble bien que le terme d'industrie culturelle ait été employé pour la première fois dans le livre « Dialectique der Aufklärung » que Horkheimer et moi avons publié en 1947 à Amsterdam. Dans nos ébauches, il était question de culture de masse. Nous avons abandonné cette dernière expression pour la remplacer par « industrie culturelle » afin d'exclure de prime abord l'interprétation qui plaît aux avocats de la chose. Ceux-ci prétendent en effet qu'il s'agit de quelque chose comme une culture jaillissant spontanément des masses mêmes, en somme de la forme actuelle de l'art populaire. Hors de cet art, l'industrie culturelle se distingue par principe. L'industrie culturelle, c'est l'intégration délibérée d'en haut de ses consommateurs. Elle intègre de force même les domaines séparés depuis des millénaires de l'art supérieur et de l'art inférieur, au préjudice des deux. Les œuvres qui succombent à la fétichisation et deviennent des marchandises culturelles subissent des modifications constitutives. Elles sont perverties. Une consommation incohérente les dégrade. Non seulement parce que les quelques morceaux que l'on joue et rejoue finissent par s'user comme une reproduction de la Madone de la chapelle Sixtine affichée dans une chambre à coucher, la réification atteint aussi leur structure interne. Elles se transforment en un conglomérat d'inspiration que l'on imprime dans l'esprit des auditeurs au moyen de techniques comme l'intensification et la répétition, sans que l'organisation de l'ensemble fasse en revanche la moindre impression sur ceux-ci. Plus la musique est réifiée, plus elle sonne de façon romantique aux oreilles aliénées. C'est précisément ainsi qu'elle devient propriété. Une symphonie de Beethoven ne s'est jamais laissée approprier, au sens où on pourrait l'exécuter d'un trait dans son intégralité. L'homme qui siffle triomphalement dans le métro le thème du final de la première symphonie de Brahms n'a déjà plus affaire qu'aux débris du genre symphonique. « L'isopaïne transforme l'air en médicament pas bon 6 ans. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. La passe à linge. Le lave-linge réinventé. LG Turbo Wash. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. La truite, la Schubert. C'est mal ce qu'on fait? Non, rien de plus classique. Parfum Japon. Bon, alors écoutez, messieurs, c'est terminé. La répétition a été réduite à 12 minutes par la force des mitraillettes. Voilà! Ce soir, ça sera du joli. Quand Nicolas Berger s'amuse, il en fait profiter tout le monde. Le mix entre les thèmes classiques et la publicité et quelques extraits de films, Julia Christ, illustre bien ce que veut dire Adorno, mais on parle de détournement des symphonies classiques. Oui, ça illustre extrêmement bien ce qu'il veut dire. Il dit aussi, merci pour cet extrait que je connaissais pas d'ailleurs, en plus, entendre Adorno parler en français. C'est bien, un plaisir. C'était sur la RTF en 1963, une causerie du 21 septembre 1963. Bah écoutez, je savais pas qu'on avait des enregistrements d'Adorno en français. Ça me permet quand même de répondre ou de rebondir sur la question que vous avez posée avant les extraits, si les masses sont prêtes pour les films. Je pense poser cette question, Adorno le dit très bien dans cet extrait, ça présuppose déjà que les masses auraient des propriétés innées, de fait. Je veux dire, qui est prêt là, de fait? Je veux dire, qui est dit prêt ou pas prêt pour quelque chose? Il faut se rappeler que pour la théorie critique, une théorie de la société, donc des processus de socialisation, que les masses ne sont jamais, d'ailleurs les bourgeois non plus, hein, nous tous, sont jamais rien d'autre. Et les masses, c'est pas les bourgeois? Non, c'est pas les bourgeois. Masses, c'est les prolétaires, en fait. À l'époque, oui. À l'époque. C'est pas tout le monde. C'est pas encore. Les prolétaires. Pas encore. Non. C'est pour ça, encore une fois, les années 80, ça va devenir compliqué. Parce qu'on est ici dans une scission encore relativement claire entre ceux qui ont le requisit culturel pour écouter justement de la musique classique et ceux qui ne les ont pas, qui n'ont pas été éduqués pour. Et donc l'idée, au fond, elle est relativement simple, c'est de dire que, bon, qu'est-ce qui forme les sujets ou les individus d'une société? Mais c'est la culture, de fait. Les masses ne viennent pas au monde avec un goût, tout simplement. Donc est-ce qu'ils sont prêtes ou pas pour les films? Ça dépend quand même, tout simplement, des processus d'acculturation, des processus d'éducation des individus qui sont exposés ou qui s'exposent et qui consomment des œuvres culturelles. Donc la question elle-même, elle donne aucun sens pour Adorno. C'est pas un jugement sur les masses, que les masses seraient rétrogrades ou pas prêtes ou je sais pas quoi. C'est le moment où ces masses-là, qui jusqu'ici étaient exclues de la culture, entrent dans la culture. Il entre par la voie de l'industrie culturelle. La question est qu'est-ce que la culture fait avec les sujets? Et qu'est-ce que la culture fait avec les sujets? Bon, elle les forme, tout simplement. Je dis, ça, c'est du pur Freud. Hein, tout c'est juste mon dire que la culture, elle est là pour former les sujets, pour en faire des êtres socialisés, capables d'agir dans une société, se comporter à peu près correctement, de connaître les sanctions. Voilà, ça c'est l'œuvre de la culture. Donc pour Adorno, à l'époque, et pour Benjamin, je pense aussi, hein, beaucoup, peut-être même plus, mais en tout cas, je pense sur ce point, ils sont d'accord, la question est par quelle voie des couches de la société qui jusqu'ici ont été tenues à distance de la haute culture, qui ont été socialisées, et là, les deux sont classiquement marxistes, essentiellement sur le lieu de travail par une discipline féroce. Ces gens-là qui d'un coup entrent dans des autres processus de socialisation qui passent par la culture, comment le fait que cette culture-là soit produite industriellement interfère sur la formation de ces subjectivités? Donc on ne peut pas imaginer des masses qui auraient des propriétés par elles-mêmes, qui d'un coup, les pauvres sont exposés au film et qui ne savent pas du tout le gérer, c'est pas ça la question. C'est des individus ou des masses, hein, comme vous voulez, qui sont formés à leur propre intégration dans la société capitaliste bourgeoise à travers ces produits-là. Je dis tout à l'heure que l'idéal républicain ou démocratique aurait été, ou d'ailleurs a toujours été, l'intégration de ces masses par l'école. Donc normalement, ça aurait dû être l'éducation qui fait le travail d'intégration de ces couches de la société qui jusqu'ici n'étaient pas vraiment intégrées, mais juste utilisées comme main-d'œuvre dans les sociétés par l'école. Le constat d'Adorno ou de la théorie critique est juste de dire le capitalisme a été plus rapide que l'école, en l'occurrence. Donc c'est l'industrie culturelle qui fait le travail d'intégration, c'est pas l'école. Mais la notion d'art en elle-même, si on s'arrête un instant là-dessus, elle est ambivalente, parce que l'art, c'est à la fois le produit aussi d'une société, et en même temps, c'est quelque chose qui parfois va contre cette société. Enfin, il y a toujours une dimension subversive à la production artistique. Elle est proprement ambivalente, en fait. Oui, mais l'art, oui, mais l'industrie culturelle, c'est encore à prouver. Bah, les deux, parfois, sont compatibles, non? Est-ce qu'il n'y a pas des arts qui sont... Non, pas pour Adorno. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument faire la distinction entre industrie culturelle et culture populaire. Bon, alors, même si on n'est pas à la fin de l'émission, il faut quand même reposer la question, Julia Kriss, dans quelle mesure, alors, ce qu'ils disent à cette époque-là est encore valable aujourd'hui? Parce que la production artistique a changé, la conception qu'on se fait de l'art a changé, le cinéma a changé, même si c'est pas ça uniquement dont ils parlent, la musique, etc. Est-ce que c'est vraiment circonscrit aux années 30 ou est-ce qu'on peut encore aujourd'hui trouver une pertinence à ces analyses pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons? Je pense qu'on peut, à condition qu'on fasse pas qu'on commette pas l'erreur de distinguer entre culture légitime, donc culture bourgeoise, c'est-à-dire ou l'art, ou le grand art, les œuvres, et culture moins légitime, illégitime ou subversif, simplement selon les critères si la deuxième entre oui ou non dans le canon. La force de la théorie critique sur ce point, et c'est là, c'est de dire que on a au moins trois termes ici. On a la culture légitime, on a la culture produite par l'industrie et donc par le capitalisme. Donc on a une culture produite sous forme de marchandises et on a peut-être une culture qui est subversive. De toute façon, ils n'en parlent pas. C'est pas leur sujet. Donc, dire simplement que tout ce qui n'est pas du grand art ou qui s'oppose au canon ou qui serait pas bourgeois serait intrinsèquement révolutionnaire ou subversif à cause de cela, en effet, avec la théorie critique, vous pouvez pas. Parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est les moyens de production, c'est les procédures de production de l'œuvre d'art. Si c'est produit industriellement, et ça vaut malheureusement même pour Freddie Mercury, même sur la fin de sa carrière, vraiment, il y aurait une forme de reproche hein, ou une forme de critique qui serait faite que la production de ces disques a une finalité qui vise exclusivement le profit. Je ne suis pas encore prête à dire du mal de Freddie Mercury. En effet, c'est ce qui est montré dans le film Bohemian Rhapsody qui était sorti sur les écrans l'an dernier, où justement la course vers l'argent prenait le dessus sur la carrière artistique. Mais parce que c'est quand même peut-être les limites qu'il faut en pointer de la perspective ou de la démarche qui est celle des intellectuels qu'on trouve dans l'école de Francfort, c'est que si c'est idéologiquement défini, ce qui est quand même le cas, contextuellement aussi défini, est-ce que finalement l'intérêt qu'on peut leur porter aujourd'hui ne serait pas purement intellectuel, ce qui est très intéressant pour l'inscrire dans une histoire de la pensée, une histoire de la philosophie, et ne permettrait pas, il y aurait pas une manière d'éclairer aujourd'hui l'apport réel qu'ils ont fait à l'histoire de la philosophie et de voir comment aujourd'hui ça peut être encore vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils n'ont pas mal vieilli, au fond? C'est ça ma question. Non, mais la réception les a maltraités, je pense. Les a maltraités parce que pour la théorie critique, il y avait une chose qui était extrêmement claire, à savoir qu'elle était inscrite en son époque. C'est une théorie. Ils l'assumaient. Ils assumaient, et ça s'appelle d'ailleurs... c'est un peu bête de répéter des évidences, mais ça s'appelle une théorie critique de la société. Donc, de la société, pas de la société en toute éternité, mais de leur société. Donc, ils avaient une théorie de la société. Donc, la première question serait toujours à poser si cette théorie de la société, elle est valable pour notre société. Est-ce qu'elle est valable 30 ou 40 ans après ou pas? Donc, ça, je pense, c'est une discussion qu'on ne peut pas avoir là maintenant. Mais en tout cas, si elle a mal vieilli, je ne pense pas qu'elle a mal vieilli. C'est juste que souvent, on n'a pas fait l'effort de répéter le geste dans son ensemble. Donc, de produire une théorie de la société qui justifie la critique. Donc souvent on arrache des syntagmes critiques à la théorie critique comme justement la critique de l'industrie culturelle et on croit saisir quelque chose de réel dans nos sociétés et finalement on se voit devant des questions comme celles que vous venez de poser. En effet, c'est relativement simple de, comment dire, d'invalider ce genre de critique qui était historiquement extrêmement situé. Après, je pense sur un point, ils ont pas mal vieilli. C'est la critique de l'industrie culturelle. Premièrement, sur le point, tout simplement, qu'il est tout à fait justifié de se poser la question, ce que l'intégration dans un processus de production capitaliste, donc visant le profit, fait aux œuvres culturelles. Je pense que ça, en effet, c'est la question qu'on n'aime plus poser parce qu'on adore être du côté de la culture de masse. On est des intellectuels de gauche, donc on va certainement pas taper sur la culture des masses. Vous dites ça avec un air de défaite. Non, je dis ça sur, juste, je répète là, le discours ambiant. Ouais. C'est même pas que je dis ça sur un air de défaite, c'est juste, en effet. C'est convenu. C'est convenu. On va pas taper là-dessus. On va pas critiquer tout cela. C'est tout cela, c'est des processus de démocratisation et le simple fait de rappeler que cette démocratisation est liée à un système économique précis et sert les intérêts du capital, tout bêtement, je pense que cette fois, ça peut être salutaire à ce niveau-là, juste pour corriger un peu le jugement, des fois trop rapidement positif sur la démocratisation de la culture, ou de ce qu'on appelle la démocratisation de la culture, donc ce qui effectivement est un jugement favorable qu'on accorde d'emblée à tout ce qui est culture de masse, d'ailleurs. Sans distinguer entre culture masse et culture populaire, d'ailleurs. Ça. Mais à la fois, il est convenu aujourd'hui d'insérer dans le champ intellectuel l'industrie culturelle. C'est ce qu'on fait, en fait. Le cinéma est arrivé dans le champ de la philosophie, le rock aussi, la publicité aussi, tous les domaines. Finalement, il n'y en a aucun qui échappe à la réflexion philosophique, pour le pire et pour le meilleur. En même temps, on est obligé de constater que la force critique, qui était celle de la théorie critique, existe-t-elle encore aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'elle serait, à quoi ressemblerait aujourd'hui une telle formulation critique, notamment de l'industrie culturelle, mais peut-être que ce serait d'autres choses, parce que l'industrie culturelle, vous l'avez dit, aujourd'hui c'est quelque chose, voilà, les vices ont été pointés depuis bien longtemps, ça veut pas dire que ça a changé d'ailleurs, mais où se situerait aujourd'hui un groupe d'intellectuels qui tenterait d'avoir un rôle et un projet similaire à celui de l'école de Francfort à l'époque? Bah, si ce groupe imaginaire voulait se situer dans la lignée de l'école de Francfort, je pense qu'il prendrait comme ligne d'attaque ou comme critère de sa propre critique des œuvres culturelles, la question de l'identité. Je m'explique. Pour la théorie critique, la raison pour laquelle ils ont dû constater ou pu constater une évolution intérieure aux œuvres à l'époque de leur reproductibilité, comme on dit, était de l'absence de distance entre le spectateur et l'œuvre. Tout simplement le fait que l'œuvre ne dérangeait plus. On voyait ce qu'on voyait déjà, on voyait ce qu'on savait déjà, on pensait ce qu'on pensait déjà. Finalement, la grande critique de la théorie critique à l'égard de ces œuvres, c'est ça, que ces œuvres ne produisent plus de distance entre le sujet et lui-même. Il n'y a plus de, n'introduisent plus une tension dans le spectateur ou dans l'individu. Donc, je pense que ça sera un critère qu'on pourrait encore utiliser, si on voulait, pour s'intéresser aux œuvres culturelles, si en effet ce sont des œuvres qui confirment au sujet ce qu'il sait déjà, ou ce qu'il veut déjà penser, ou ce qu'il pense déjà. D'un point de vue artistique, ça fonctionnerait, en tout cas d'un point de vue critique artistique, ça fonctionnerait, d'un point de vue intellectuel, ce serait pareil au fond, c'est ça, on peut se poser la question de savoir si le travail intellectuel qui est fourni aujourd'hui vise également à produire cette même distance entre le sujet lui-même. Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire, oui. C'est pas le cas? C'est une excellente question. Vous voulez pas y répondre? Non, c'est une excellente question. Non, je trouve que c'est la question qu'il faudrait que nous autres intellectuels aujourd'hui nous posons. Eh ben, Adorno se la pose, figurez-vous, puisque on vous l'a fait découvrir, la voix française d'Adorno. Voici un autre extrait, toujours de cette causerie du 28 septembre, cette fois-ci, une semaine après 1963, l'année où, quand vous allumiez la radio, vous pouviez tomber sur Théodore Adorno. Voici comment il parle de ce qu'il appelle les intellectuels complices. Chez les intellectuels qui cherchent à concilier leur réserve à l'égard de l'industrie culturelle avec le respect de sa puissance, un ton d'indulgence ironique s'est installé. Nous savons, disent-ils, ce qu'il en est de tout cela, ce qu'il en est des romans feuilletons, des films de confection, des spectacles télévisés à l'intention des familles et délayés pour en tirer des séries d'émissions, et ce qu'il en est des parades de variétés, des rubriques de l'horoscope et du courrier du cœur. Mais tout cela est inoffensif et d'ailleurs démocratique, parce qu'obéissant à une demande, il est vrai préfabriqué. De plus, tout cela produit toutes sortes de bienfaits, par exemple, par la diffusion d'informations et de conseils. Or, ces informations sont assurément pauvres ou insignifiantes, comme le prouve toute étude sociologique sur une chose ainsi élémentaire que le niveau d'information politique et les conseils qui se dégagent des manifestations de l'industrie culturelle sont de simples futilités ou pire encore. Comment penser le rôle de l'intellectuel à la suite d'Adorno, Julia Kris? C'est ça, au fond, la question. Quelle est sa fonction? Ben, comme il dit, hein, dans cet extrait, sa première fonction serait de ne pas être d'accord avec ce qui est puissant. Ce qui est puissant, ce qui veut pas du tout dire les puissants. C'est pas un penseur, la domination, qui penserait qu'il y aurait des classes dominantes ou une classe de puissants qui domine le reste de la société. Avec ce qui est puissant, ce qui en effet, l'opinion dominante, ce qui passe sans faire du mal, de fait. Tout ce qu'on peut dire, tous les jugements qu'on peut prononcer sans se heurter au monde. Donc pour lui, en effet, un intellectuel, c'est lui qui produit des jugements qui heurtent, qui sont pas audibles des fois. D'ailleurs, vous, je pense, en le lisant, vous avez constaté l'écriture particulièrement, comment dire, alambiquée, on a envie de dire particulièrement compliquée d'Adorno. Ça compte pour lui parmi ses tâches de l'intellectuel, en tout cas de son époque, de produire même un phrasé qui heurte. Qui peut pas entrer dans la conversation. C'est délibéré. C'est délibéré. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est un peu comme la position de Léo Strauss, par exemple, de se dire que le savoir ne devrait être accessible qu'à certaines personnes, au risque de le dénaturer s'il devient accessible à tous? Et est-ce que ça veut dire que l'intellectuel ne devrait pas s'adresser à tout le monde? Ah bah ça, vous dites sur un auteur qui a quand même pas déclenché, mais qui a été cité, recité et encore cité par tout mouvement protestataire, en tout cas en Allemagne. Il a détesté ça, ouais. Mais en tout cas, le problème n'était pas que les masses, hein, en tout cas, étudiantes, n'ont pas réussi à se saisir ces théories. Ça, c'était pas le problème. Non, je pense pas qu'il y a une forme de, comment dire, d'ésotérisme qui veut que les masses se saisissent pas du savoir parce que ça peut dénaturer les savoirs. Parce que pour Adorno, la question, et moi, la question du savoir, c'est vraiment une question de forme. C'est pas une question de contenu. Mais jusqu'où peut-on dissocier les deux? On peut pas du tout dissocier les deux, mais on peut ne pas se concentrer sur le contenu, mais sur la forme, effectivement. Donc, je pense pas qu'Adorno ait un problème avec le fait que les masses lisent la dialectique négative. Et je crois pas non plus qu'il ait écrit la dialectique négative de la manière dont il a écrite pour que les masses lisent pas. Hein. C'est dur pour tout le monde. Oui, c'est ça. Pas seulement dur pour les masses. Et il a écrit comme ça parce qu'il pensait que on est arrivé à une époque où toute forme de jugement, pas toute forme de phrase, toute forme d'énoncé qui est citable, devient déjà une marchandise, devient déjà quelque chose qu'on peut échanger sur un marché de connaissances ou de bons dictons philosophiques. Mais c'est fou, ouais. Parce que c'est le moment où son exigence théorique devient quasiment esthétique, en fait. Toujours été. C'est un compositeur de formation. Donc, toujours été, en effet, il y a toujours eu un lien pour Adorno entre l'exigence esthétique et l'exigence philosophique. Après, pour répondre sur la question de l'actualité, je ne suis pas certaine que c'est le bon mode, peut-être, aujourd'hui, de produire la théorie. C'est peut-être pas ça notre problème aujourd'hui. Que les jugements doivent être tellement compliqués pour que personne puisse les arracher au contexte théorique et s'en servir dans une conversation de dîner ou je sais pas où d'ailleurs, de quoi il parle. Il dit sur le marché. Il commence la théorie esthétique en disant qu'aujourd'hui, aucune théorie n'échappe au marché. C'est ça sa hantise. Et sur ce point-là, il a raison. Que les théories philosophiques, sociologiques et autres aujourd'hui sont des marchandises comme les autres, qu'en effet, il y a un marché pour ça. Mmh. Ça, c'est parfaitement clair. Après, je ne suis pas certaine qu'on soit actuellement dans une situation où le deuxième adversaire d'Adorno, qui a motivé cette forme d'écriture et de style, à savoir ce qu'il appelle la rationalité bourgeoise, donc la rationalité calculatrice et froide, soit aujourd'hui tellement puissante qu'il faille inventer ce genre de procédure d'écriture pour la contrer. Peut-être on est arrivé d'ailleurs dans une situation inverse où c'est plutôt l'association libre, une forme d'association libre, une forme de relâchement par l'exigence du concept, entre guillemets, qui domine la scène, que peut-être la clarté est le bon moyen de la critique actuellement. Difficile de ne pas s'en réjouir, en tout cas. Merci beaucoup, Julia Kriss, pour votre clarté. Ce matin, au micro des chemins, on peut aller plus loin dans cette réflexion en lisant notamment un article que vous avez produit à La Culture, un partenaire d'interaction. On mettra les références en ligne sur le site des chemins de la philosophie. On se quitte avec un tube allemand, n'en déplaise à Adorno, Caterina Valente, qui se met. Bin ich glücklich? Ich weiß es nicht. Ich will fort, aber ich bleibe. Warum bleibe ich? Ich lebe mein Leben, Kismet. Ich frage nicht warum. Was ich da tue, ist Kismet. Und mein Verstand bleibt stumm. Ich tue vielleicht das Falsche und kehre doch nicht um. Dass die Männer? Sollen wir sie fragen? Ach, lassen wir das. Träumen wir weiter. Es ist nicht alles Kismet. Ich kann mich selbst befreien. Dann wird mein eigener Wille schon bald mein Kismet sein. Dann holen meine Wünsche den grauen Alltag ein. Ich kann nicht einsam sein. Doch ich bin auf. Was wissen die Männer? Was wissen sie von den Frauen? Sollen wir sie fragen? Ach, lassen wir das. Lassen wir das. Das ist das Leben, Kismet. Das haut nicht immer hin. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous revenez aujourd'hui sur une polémique. Oui, difficile d'y avoir échappé. Mercredi 13 novembre, lors d'un débat sur LCI, Alain Finkielkraut a prononcé cette phrase face à la militante féministe Caroline de Haas. « Violer, violer, violer, je dis aux hommes, violer les femmes, d'ailleurs je viole la mienne tous les soirs et elle en a marre. » David Pujadas, qui orchestrait le débat, a tout de suite mentionné qu'il s'agissait là de second degré. Loin de calmer les esprits, la séquence a été reprise par les féministes ou les défenseurs de Finkielkraut. Les premiers voyant dans l'ironie de Finkielkraut la preuve de sa désinvolture face au viol, les seconds voyant dans l'ironie de Finkielkraut la preuve de la mauvaise foi des féministes. L'ironie, c'est peut-être le terme que j'ai ainsi le plus entendu à propos de cette polémique, soit parce qu'elle aurait été mal utilisée ou mal comprise. Du coup, je me suis demandé, mais au fait, c'est quoi l'ironie ? L'année dernière, à la même période, je suis venue remettre un Molière et j'ai parlé de ces metteurs en scène qui touchent un peu les actrices. Et en fait, voilà, je pensais pas que ça allait initier un mouvement d'une telle ampleur. Et je suis un peu responsable et je sais que les gens ont pensé que je parlais de Polanski. Du coup, il s'est fait virer des Oscars. Donc je sens que j'ai une influence qui grandit de plus en plus maintenant. Donc je voudrais faire attention. Il faut pas me prendre au pied de la lettre. Je dis beaucoup de conneries, hein. Je dis beaucoup de conneries. Je pense qu'on peut dire, même, vous pouvez considérer que je dis principalement de la merde, en général. L'occasion m'en étant donnée, j'ai donc essayé de réfléchir au sens premier de l'ironie et à son usage adéquat. J'ai donc regardé, comme vous l'avez entendu, des sketchs de Blanche Gardin et la définition de l'ironie. Mais j'en ai eu vite le tournis, car à force de dire que l'ironie consiste à dire le contraire de ce qu'on pense, ce qui est déjà un paradoxe en soi, de contraire en contraire, j'ai manqué de repères. Je me suis donc tournée vers celui qui lui a consacré un essai, Vladimir Jankélévitch. Encore maintenant, aujourd'hui, bah je suis bien sûr que beaucoup de gens sourient, si ce n'est davantage, ou bien ricanent, en voyant le titre de ce livre. Ah, il ne sait pas quoi, il écrit trois livres là-dessus. Il écrit trois livres, il ne sait pas sur quoi il les écrit. Enfin, je peux vous dire à l'avance toutes les plaisanteries qu'on peut faire. Qu'est-ce que l'ironie? Quelle forme prend-elle et quels sont ses pièges? Sont les trois questions que Jankélévitch se pose dans son livre paru en 1936, qui s'appelle « L'ironie ». D'emblée, il évoque le courage et la liberté de l'ironie qui, je cite, « ne craint pas les surprises, joue avec le danger, va le voir, limite, le provoque, le tourne en ridicule ». Et il dit aussi qu'elle est l'inquiétude et la vie inconfortable, ce qui ruine toute définition et dérange la pontifiante pédanterie. Mais Jankélévitch consacre également des pages à l'indifférence de l'ironiste. « Ce trompeur trompé, nous dit-il, qui voguant d'un contraire à l'autre, trop indifférent, se rend complice des mots qu'il prononce. » Mais je me demande qu'en est-il du spectateur d'un échange ironique. Bizarrement, dans ce livre, peu de choses sur lui. Or, sans lui, pas d'ironie. Faut-il pour autant lui expliquer, lui montrer ce qu'est l'ironie, où elle est ou pas, et lui dire ou rire ou pas, n'est-ce pas la perdre? C'est ce qui me semble paradoxal. On a beau définir l'ironie, elle reste tributaire de celui qui la reçoit, et lui expliquer, c'est rendre l'ironie littérale. Soit le contraire du contraire qu'elle est. Ce qui a eu lieu ces derniers jours. Mais pas entre Finkielkraut et Caroline de Haas, comme on le croit, mais avec nous. Pauvres spectateurs de cette polémique, à qui on a voulu expliquer ce qu'était ou pas l'ironie. Alors il y a une phrase, une simple phrase, qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Écoutez. Finalement, vous ne pouvez plus rien dire. Il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, puisqu'on ne peut plus rien dire. Il y a des blagues qu'on ne peut pas dire. On ne peut plus rien dire de nos jours. C'est compliqué aujourd'hui de penser quelque chose de différent d'une autre personne. On n'a plus aucune liberté. Alors est-ce vrai? Et si oui, est-ce toujours un recul ou est-ce parfois un progrès? Voilà pour moi l'ironie d'un tel débat. Pas la sortie de Finkielkraut, mais ce débat. Oui, ce qui m'a semblé ironique, c'est que le thème en était « Toutes les opinions sont-elles bonnes à dire ?» et que Finkielkraut a pu dire ce qu'il voulait dire tout en disant qu'il ne pouvait plus le dire et Caroline de Haas l'a écouté parler et a diffusé sa parole tout en disant que ça ne pouvait pas être dit. Ce qui m'a semblé aussi ironique avec ce débat, c'est qu'il a relancé la question la moins drôle et la plus ennuyeuse du monde sur l'humour. Peut-on rire de tout? Décliné désormais en peut-on ironiser de tout? Et on rajoute souvent, comme pouvait le faire un Coluche ou un des proches. Alors c'est vrai, on n'attend pas d'un débat qu'il soit drôle ou cohérent, qu'il donne des réponses claires et franches, ou qu'il soit spécialement original ou haletant dans ses échanges. Mais quand même, quelle ironie qu'une question comme « Toutes les opinions sont-elles bonnes à dire ?» ne laisse place qu'à tant de banalité et de médiocrité où chacun des participants a joué le rôle qu'on attendait de lui. Chacun voit l'ironie à sa porte, mais voilà ce qu'elle a été pour moi dans cette histoire. Ce débat a été le contraire de ce qu'il devait être, à savoir un débat, ce qui est bien la définition de l'ironie, je crois. Vous êtes ironique? Non. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Isis Jourdain en compagnie de Jules Barbier, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jacques Hubert à la prise de son, Hélène Losseur à la lecture des textes. Demain, vous pourrez écouter la suite de notre série autour de l'école de Francfort. On sera en compagnie d'Estelle Ferrarese qui vous parlera d'Habermas à la conquête de l'espace public. Ça, ce sera demain, donc, école de Francfort. Seconde génération. D'ici là, pour réécouter cette émission sur la culture industrie par Adorno, Walter, Benjamin et surtout en studio Julia Christ, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.